Ecclésiaste chapitre 8. Qui est tel que le sage, et qui sait ce que veulent dire les choses? La sagesse de l'homme fait reluire son visage, et son regard farouche en est changé. Prends garde, je te le dis, à la bouche du roi, et à la parole du jurement de Dieu. Ne te précipite point de te retirer de devant sa face, et ne persévère point en une chose mauvaise, car il fera tout ce qui lui plaira. En quelque lieu qu'est la parole du roi, là est la puissance, et qui lui dira, « Que fais-tu ? » Celui qui garde le commandement, ne sentira aucun mal, et le cœur du sage connaît le temps, et le moyen qu'on doit tenir. Car dans toute affaire il y a un temps, et un moyen propre pour s'y conduire, autrement mal sur mal tombe sur l'homme. Car il ne sait pas ce qui arrivera, et même qui est-ce qui lui déclarera quand ce sera. L'homme n'est point le maître de son esprit pour le pouvoir retenir, il n'a point de puissance sur le jour de la mort, et il n'y a point de délivrance en une telle guerre, et la méchanceté ne délivrera point son maître. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre qui s'est faite sous le soleil. Il y a un temps auquel un homme domine sur l'autre à son malheur. Et alors j'ai vu les méchants ensevelis, et puis retournés, et ceux qui s'en étaient allés, et qui étaient venus du lieu du saint, et qui avaient bien fait, être mis en oubli dans la ville. Cela aussi est une vanité. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres, ne s'exécute point incontinent, à cause de cela le cœur des hommes, est plein au-dedans d'eux-mêmes d'envie de mal faire. Car le pécheur fait mal 100 fois, et Dieu lui donne du délai, mais je connais aussi, qu'il sera bien à ceux qui craignent Dieu, et qui révèrent sa face, mais qu'il ne sera pas bien aux méchants, et qu'il ne prolongera point ses jours, non plus que l'ombre, parce qu'il ne révère point la face de Dieu. Il y a une vanité qui arrive sur la terre, c'est qu'il y a des justes à qui il arrive selon l'œuvre des méchants, et il y a aussi des méchants à qui il arrive selon l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi est une vanité. C'est pourquoi j'ai prisé la joie, parce qu'il n'y a rien sous le soleil de meilleur à l'homme que de manger et de boire, et de se réjouir, c'est aussi ce qui lui demeurera de son travail durant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Après avoir appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à regarder les occupations qu'il y a sur la terre, car même ni jour, ni nuit, l'homme ne donne point de repos à ses yeux. Après avoir, dis-je, vu toute l'œuvre de Dieu, et que l'homme ne peut trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil, pour laquelle l'homme se travaille en la cherchant, et il ne la trouve point, et même si le sage se propose de la savoir, il ne la peut trouver.